Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire de la médecine humanitaire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons évoquer les French Doctors cet après-midi, en compagnie du professeur Fabiani, qui a été l'un d'entre eux. Médecins sans frontières devait naître d'une prise de conscience au moment de la guerre du Biafra. Vous avez ce conflit terrible que je vais d'ailleurs vous raconter dans un instant. Et tout à l'heure, vous répondrez à une question posée par Virginie sur la page Facebook de l'émission. Oui, Virginie nous demande depuis quand on fête la nouvelle année le 1er janvier. Il est vrai que pendant très longtemps, vous savez, l'année a commencé à différentes dates, au 1er avril, enfin à Pâques, parfois à Noël. Le 1er janvier a été adopté assez récemment, tout compte fait. Bien, nous verrons quand et pourquoi surtout. La réponse à la fin de l'émission. Voilà, pour le moment, cap sur l'Afrique et sur cet événement qui a marqué nos consciences. Nous avons ces images encore présentes à l'esprit. Cap sur la guerre du Biafra. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La génération à laquelle j'appartiens a été élevée dans le souvenir des violences et des horreurs qui ont marqué cette guerre du Biafra. Vous savez, l'image des petits Biafrais mourant de faim, on se rappelle ces enfants qui étaient complètement rachitiques, avec les membres complètement étiques, et puis ces gros ventres, bien entendu, du fait de la malnutrition. Tout ça a été en partie effacé par d'autres images venues par la suite du Soudan, d'Éthiopie, du Rwanda, que sais-je, hélas. Mais ces photographies d'enfants martyrs, de petits êtres squelettiques, ces reportages diffusés dans les premiers grands journaux télévisés, on sait l'importance qu'a pu acquérir dans les années 60 la grand-messe du journal parlé de 20 heures, hein, c'est comme ça qu'on disait. Tout ce pathos a donc profondément marqué deux ou trois générations. Et c'est le choc psychologique largement créé par les journalistes, créé par ces images et au-delà des images par cette réalité, c'est ce choc qui a donné naissance à la médecine humanitaire moderne et à ces French Doctors dont nous allons parler avec le professeur Fabiani. En fait, vous savez que la Croix-Rouge était née en 1859 sur le champ de bataille de Solferino parce que Henri Dunant, qui était venu voir l'empereur des Français, Napoléon III à cette époque, s'était retrouvé, on peut dire, tout à fait par hasard au milieu de la mêlée, qu'il avait vu à quel point la bataille de Solferino avait fait énormément de victimes. On était à cette époque où on laissait les blessés le plus souvent sur le champ de bataille et ils mouraient de leurs blessures. Et Dunant avait été complètement marqué, complètement définitivement traumatisé par ces cris qui s'élevaient d'un champ de bataille et puis qui s'amenuisaient jusqu'à ce que la mort finalement ait raison des blessés. Et c'est ce qui lui avait donné l'idée et la motivation de créer la Croix-Rouge. Eh bien, un petit peu de la même façon, on peut dire que les médecins sans frontières, les French Doctors, sont nés de ce conflit africain. Alors, évidemment, un demi-siècle plus tard, on a du mal à se représenter le bouleversement qu'a pu être pour le continent africain l'accès à l'indépendance d'un aussi grand nombre de nations. Vous savez, en 1960, pour tout ce qui est de l'empire colonial français d'Afrique subsaharienne, mais on va dire dans les années 60 pour la plupart de ces empires, les pays africains ont acquis leur indépendance. Dans la plupart, enfin en tout cas dans un grand nombre d'entre eux, c'est l'armée qui a, dans un premier temps, assumer le pouvoir, mais alors un pouvoir qui était très difficile, parce que il faut bien comprendre que les frontières qui avaient été créées par les États coloniaux étaient des frontières largement artificielles. On prenait des règles, vous savez comment c'était, on traversait les différentes ethnies, on séparait les gens et on ne faisait même pas attention à l'accord entre elles des différentes tribus qui étaient concernées. Et au moment de l'indépendance, ce sont ces anciennes frontières coloniales qui ont fait foi, et on s'est donc retrouvé avec des pays qui n'avaient véritablement pour la plupart d'entre eux, on va dire pour la quasi-totalité d'entre eux, qui n'avaient aucune cohérence ethnique, sociale, politique et même, disons-le, géographique. Donc ça crée des conflits internes terribles, une instabilité incroyable. Rappelez-vous donc les batailles tribales au Rwanda, bien entendu, guerre civile au Soudan, au Congo, révolte armée au Tchad. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais m'attarder sur la guerre civile qui devait secouer le Nigeria, ce qu'on appelle la guerre du Biafra, du nom de cette province du Biafra qui a voulu acquérir son indépendance. Alors, il faut peut-être commencer, ça me paraît même la moindre des choses, par situer un petit peu ce Nigeria, ce pays déjà équatorial, aux frontières parfaitement arbitraires, donc entre le Togo et le Cameroun. On est sur la côte sud de l'Afrique occidentale, un pays qui est grand comme un petit peu moins de deux fois la France, donc un pays, on va dire, de taille moyenne, et en même temps, l'un des plus riches d'Afrique quant aux ressources naturelles. Ça joue un rôle important, parce que ça veut dire que les grandes puissances vont s'y intéresser très près, évidemment. Le Nigeria, à l'époque, en 1966, est le troisième producteur africain de pétrole. Il est le seul producteur de charbon de l'Afrique occidentale et équatoriale. Autant dire que, évidemment, les grands fauves sont là autour qui se pourlèchent les babines. C'est aussi, et ça n'est pas négligeable, le pays le plus dense, avec une population de 55 millions d'habitants à l'époque. Mais alors, vous l'avez bien compris, une population éclatée, atomisée en tribus distinctes et, pour certaines d'entre elles, ennemies. 250 tribus, 250 idiomes. Évidemment, ça fait sourire, mais après tout, qu'aurait été un pays comme la France si l'on avait voulu l'unifier à l'époque des tribus gauloises, par exemple, hein, ça aurait été sans doute. Je pense que d'ailleurs Jules César en a fait l'expérience. Ça n'était évidemment, c'était un motif de tension et même de guerre. Alors, parmi toutes ces tribus nigérianes, il y en a trois qui sont prédominantes. Les Haoussa, d'abord au nord, dont la plupart sont musulmans, qui vont jouer un rôle extrêmement important dans le conflit qui va s'ouvrir. Les Yaruba dans la région de Lagos, c'est la fameuse tribu aux 400 dieux, hein, c'est cette tribu mythique et que connaissent bien les amoureux de cette partie de l'Afrique. Et puis les Ibos, alors là, très très important, leur région à eux, c'est la partie orientale du pays, c'est le sud-est, ce sont des chrétiens. Catholiques, protestants, mais en tout cas ce sont des chrétiens. Et alors, surtout, ce sont des gens qui sont très particuliers. Ils ont une personnalité assez spécifique. On les a d'ailleurs surnommés les juifs de l'Afrique. Ce sont des gens qui sont très malins, très extrêmement ambitieux, qui ont une forme de génie propre et qu'ils vont constamment vouloir mettre en avant. Alors, n'oublions pas évidemment que le Nigeria était une ancienne colonie britannique. J'allais dire, ça va de soi, mais ça va peut-être encore mieux. Il vaut peut-être encore mieux le dire. Elle a eu son indépendance en 1960, considérée comme un modèle pour les pays africains, grâce justement à cette population, à cette richesse territoriale, et puis à une organisation politique qui, dans un premier temps, paraît valide. Le général Iransi, qui est à la tête du pays, a l'air de tenir son affaire. Sauf que le 14 janvier 1966, le général qui commande l'armée nigériane a donc fait un coup d'État. Iransi a déclaré « Je prends officiellement le pouvoir en ma qualité de chef des troupes nigérianes ». Il a aboli la constitution, il a supprimé les rôles de président de premier ministre, de même d'ailleurs que les gouverneurs des quatre régions semi-autonomes. Tout ça est supprimé et avec son lieutenant-colonel Ibo qui s'appelle Ojukwu, il va diriger le pays d'une main de fer. Alors ça, c'est fondamental, parce que à partir de ce coup d'État, on peut dire que l'instabilité est présente dans la politique nigériane. Et justement, le lieutenant-colonel Ojukwu, qui est un Ibo, hein, qui fait partie de cette population particulière qui vient du sud-est du pays, va vouloir acquérir de plus en plus d'autonomie. Alors, il faut imaginer toutes les violences qui sont perpétrées très vite, hein, juste après la prise de pouvoir par le général. Vous avez 5 jeunes officiers Ibo qui ont été tous formés en Angleterre, qui vont tuer leurs supérieurs, qui organisent des assassinats et des enlèvements de personnages représentant l'autorité ou d'un certain nombre de politiciens qui sont accusés de corruption. Leur objectif, officiellement, c'est d'éliminer la corruption du pays. Ils estiment que depuis l'indépendance, depuis 6 ans, cette corruption s'est beaucoup trop développée. En vérité, ils ont des objectifs politiques et personnels. 40 civils et 24 officiers sont éliminés au cours de cette première purge violente, d'où immédiatement la méfiance des autres peuples. Les Haoussa au nord qui se disent « attention, les Ibos sont en train de prendre le pouvoir ». Et puis les Ibos, bien entendu, ce peuple, je vous disais, très occidentalisé en quelque sorte, qui croit beaucoup en l'individualisme, en la réussite personnelle. Ce peuple au progrès spectaculaire qui très vite va vouloir, dans un premier temps, profiter de la situation, on va voir jusqu'où ça va le mener. Strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams we stop existing and start living. Un extrait du titre Heal the World de Michael Jackson, une balade caritative visant à récolter des fonds pour la lutte contre la famine, la pauvreté et les maladies infantiles. Nous revenons à la guerre du Biafra, Franck. Alors, le premier coup d'État, celui du Dironsi, était le 14 janvier 1966. Dès le 19 juillet de la même année, c'est cette fois un général issu de la tribu des Haoussa qui va faire son propre coup de force, le général Gowon, qui appartient lui à une petite tribu. Alors, la tribu en question est affiliée aux Ibos. Vous voyez que tout ça est quand même plus complexe que ça n'en a l'air. D'ailleurs, le général Gowon lui-même est chrétien. Comment vous le représentez? C'est un homme assez petit, qui a toujours l'air assez humble comme ça, toujours calme. Il a été d'ailleurs un des camarades d'Ojukwu, qu'il a rencontré à Sandhurst. Évidemment, à partir du moment où il essaie de prendre le pouvoir, c'est un début de guerre civile. Les Haoussa contre les Ibos présents dans le Nord. En 2 semaines, 33 000 Ibos sont massacrés, sont brûlés, certains sont cloués à leurs huttes incendiées. Alors évidemment, les Ibos à ce moment-là fuient le Nord. Tous ceux qui sont persécutés dans le Nord du pays essaient de regagner leur région d'origine, le Nigeria oriental. C'est à ce moment-là qu'Ojukwu en profite pour faire sécession et pour proclamer une république Ibos indépendante, la république du Biafra. Alors, à son tour, il faut savoir qui est ce personnage, qui est-il cet Ojukwu. Lui aussi a fait toutes ses études en Angleterre, il est diplômé d'histoire de l'université d'Oxford, il a subi 2 ans de formation militaire supérieure à Sandhurst, il parle un anglais parfait, c'est un homme d'une ambition alors là dévorante, faut imaginer un homme très réfléchi, habile, c'est un diplomate avisé, c'est un stratège dans l'âme. En signe de deuil pour ce qui vient de se passer, il va décidé de se laisser pousser la barbe, et donc on le reconnaît très facilement sur les photos grâce à ça. Juste avant la sécession, il s'est procuré une somme importante en transférant 6 millions de livres sterling à l'étranger. C'est très important parce que ça va lui donner le volant de liberté nécessaire pour s'armer. Il va récupérer des comptes étrangers en vendant un certain nombre de matériaux, de livres, de fournitures, etc. au rabais. Il fait sortir en fraude un bateau citerne et il va vendre le chargement du bateau contre des devises fortes. Tout ça va lui permettre d'acheter, même à prix d'or, d'acheter des armes et d'armer cette armée du nouveau Biafra qu'il veut indépendant. Alors bien sûr, on essaie de lancer un certain nombre de négociations. Ojukwu est littéralement détesté par Gowon, qui lui représente représentent les Haoussa. Les négociations, évidemment, capotent très vite. Elles sont un échec. Et le 27 mai 1969, Gowon, de son côté, au nom du Nord, si je puis dire, annonce la division du Nigeria en 12 États fédéraux. Ça va donc devenir un État fédéral qui est composé de 12 petits États. Le but, évidemment, là-dedans, c'est de réduire l'influence des chefs de tribu et c'est de surtout réduire l'influence de Ojukwu et des Ibos, bien entendu. Le mot d'ordre à partir de là, pour tous ceux qui sont derrière Gowon et derrière les Haoussa, c'est « Keep Nigeria One », c'est-à-dire préserver l'unité du Nigeria. Évidemment, du côté du Biafra, on ne peut pas se laisser faire. Et le 30 mai 1960, donc c'est-à-dire 2 jours et demi après la déclaration de cet État fédéral, Ojukwu annonce la création de la République du Biafra. Et voici l'article premier de la proclamation. Ah, ça c'est clair, on peut dire qu'on ne peut pas faire plus radical dans l'expression d'une sécession. Tout lien politique entre le Biafra et la République fédérale du Nigeria, donc une République fédérale, vous l'avez bien compris, qui vient tout juste de se créer, tout lien politique entre les deux est totalement dissous, dit le premier article de cette proclamation, qui par ailleurs, une proclamation qui insiste sur l'adhésion tout à fait officielle et tout à fait loyale de la nouvelle petite république du Biafra à la charte de l'Organisation de l'Unité de l'Union africaine ainsi qu'à la charte des Nations Unies. Donc c'est un État qui voudrait entrer dans le concert des nations. Enfin, c'est une sécession classique, hein, c'est une démarche d'indépendance et de sécession. Le 6 juillet, tout ça a lieu au printemps, hein, donc le 30 mai. Le 6 juillet 1967, les hostilités commencent. Alors vraiment, c'est le début de la guerre. Au départ, chacun se dit que cette guerre ne va pas durer, hein, elle va être courte. En vérité, elle durera 2 ans et demi. Cette guerre qui commence en juillet 1967, elle ne s'achèvera que le 15 janvier 1970. Vous comprenez pourquoi elle a tant marqué les opinions, parce que, et ça c'est assez frappant, dès le début de cette guerre, on va voir arriver sur le sol du Nigeria un certain nombre de journalistes, alors essentiellement anglo-saxons dans un premier temps, mais de plus en plus venant de tous les pays, y compris de la France. Faut pas oublier l'importance qu'a eu la France dans cette Afrique occidentale française. Il est assez facile pour les journalistes français de se rendre sur place, d'aller faire des clichés, des reportages et de diffuser tout ça dans les grands magazines, dans Paris Match, à la télévision, dans le journal, etc. Et donc l'opinion publique de cette fin des années 60, 68, 69 va suivre l'évolution quasiment au jour le jour. 25 000 hommes composent l'armée biafraise qui s'est composée du jour au lendemain autour de 2000 officiers. Disons que c'est une armée mal équipée, vous avez vu dans quelles conditions s'est fait l'armement hein, de ces gens-là, mais c'est une armée ultra motivé, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, face à l'armée des Haoussa, qui est une armée d'État beaucoup mieux organisée et extrêmement violente, naturellement, elle subit très vite des revers qui vont marquer les opinions. Hein. Les Haoussa pillent, violent, tuent, et on peut dire que sur leur passage, hein, sur le passage de cette armée fédérale officielle du Nigeria, c'est littéralement l'horreur et la désolation. Les troupes fédérales vont progresser rapidement vers le Biafra. Elles y sont dès le 18 juillet, c'est-à-dire au bout de 12 jours. Mais les Biafra, évidemment, contre-attaquent. Et de leur côté, ils vont envahir un certain nombre de régions de l'ouest du Nigeria. Vous avez bien compris que ça y est, l'engrenage de la violence est lancé. À partir de là, la guerre du Biafra va faire énormément de victimes. Alors, il y a les victimes militaires, bien entendu. Il y a les affrontements qui sont d'une très grande intensité. Mais il y a aussi et surtout les victimes civils et notamment les victimes indirectes par le biais de la famine qui s'installe très vite et qui très vite va semer une désolation quasiment sans précédent dans cette histoire de l'Afrique. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons, Franck, à la guerre du Biafra au Nigeria. Alors, l'État fédéral, le gouvernement du Nigeria a le soutien de l'Union soviétique, évidemment, et du bloc de l'Est. Les soviétiques qui fournissent des avions, notamment des MiG, qui viennent bombarder le territoire des Ibos. Et du côté du Biafra, les soutiens sont plus clandestins, mais ils existent. Non, ils sont pas négligeables pour autant. On sait que la France, notamment, indirectement a fourni des bombardiers américains B-26 au Biafra. Le Portugal également est là qui aide avec une mission biafraise qui s'installe à Lisbonne. Ce que fait la France, c'est qu'elle envoie en douce, si je puis dire, des mercenaires. Le général de Gaulle est tout à fait conscient des richesses minières du pays et il se dit qu'il pourrait aider le Biafra, que ça peut être utile, donc il va fournir des devises fortes. Le 9 août 1967, l'armée du Biafra parvient donc à envahir l'état du centre-ouest du pays et avance de plus en plus au cœur du Nigeria de l'ouest, du Nigeria occidental, en s'approchant de la capitale, de Lagos. Ojukwu, à ce moment-là, publie un livre blanc où il expose ses conditions de paix. Il propose que le Biafra devienne un état souverain et indépendant et qu'il partage les services publics avec le Nigeria. Réponse de Gowon et de l'état fédéral, que les Biafrais commencent par se débarrasser d'Ojukwu, qu'ils mettent fin à la sécession et qu'ils reconnaissent la division du Nigeria en 12 états. Nous oublierons le passé, les accueillerons tous d'un cœur chaleureux et les bras tendus. On aime bien, vous savez, la rhétorique dans ces pays. Évidemment, les violences continuent et sur une échelle considérable. Le mot de génocide ne tarde pas à être prononcé dans la communauté internationale où un certain nombre de journalistes se spécialisent littéralement dans ce conflit du Biafra. On peut dire qu'à la fin de 67 et au tournant de 68, c'est une véritable mobilisation. Aux États-Unis, le candidat Nixon, qui est en campagne, demande au président Johnson de stopper la famine au Biafra. Ça devient un véritable argument de campagne. Et le 13 juin 1968, en France, la France qui se relève tout juste des événements de mai 68, le général de Gaulle décide de lancer un embargo général sur toutes les armes à destination du Nigeria et en même temps, il met en route un programme d'assistance humanitaire. Voilà le communiqué du 31 juillet. Le gouvernement constate que le sang versé et les souffrances qu'endurent depuis plus d'un an les populations du Biafra démontrent leur volonté de s'affirmer en tant que peuple. Vous voyez, toujours ce soutien au Biafra. Fidèle à ses principes, le gouvernement français estime qu'en conséquence, le conflit actuel doit être résolu sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et comporter la mise en œuvre de procédures appropriées. Et c'est là qu'un groupe de médecins français, de French Doctors, dont Bernard Kouchner évidemment, va commencer à se désolidariser de la Croix-Rouge et à fonder un comité international contre le génocide au Biafra. On va loin dans les termes, bien entendu. 35 organisations dans cette année 68, issues de 21 pays différents, s'accordent pour unir leurs efforts. Et en janvier 70, mais on est là déjà à la fin de la guerre, 57 000 tonnes de vivres et de médicaments seront acheminées. Je dis on est à la fin de la guerre parce que le 16 janvier 70, le Biafra qui est isolé finit par rendre les armes. Les soldats côté biafrais sont complètement affamés. Il faut dire que certains n'ont de rations que deux fois par semaine. Le dimanche 11 janvier 70, Ojukwu quitte le Biafra en avion pour une destination inconnue. Il vivra ensuite en exil en Côte d'Ivoire. Et il rentrera 10 ans plus tard au Nigeria. Vous savez qu'il refera de la politique au Ojukwu, qui n'est mort que l'année dernière, chez lui, au Biafra. En attendant, à l'époque, il se sauve, il laisse son bras droit, le général Effiong, négocier la reddition. Gowon l'accueille par un « welcome back », avant un baiser de paix. En attendant, l'amnistie est promise aux Biafrais, mais à ceux qui ont survécu seulement, car entre 2 et 3 millions de morts ont été dénombrés. Le 22 décembre 1971, un groupe de médecins et de journalistes fonde dans la foulée des événements Médecins sans frontières. Dans un instant, nous allons entendre Bernard Kouchner nous raconter dans quelles conditions a été créé justement Médecins sans frontières. Et puis, en compagnie de Jean-Noël Fabiani, nous verrons ce qu'est devenu, bien entendu, cette médecine humanitaire. Nous nous retrouvons pour parler de tout cela dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des French Doctors, avec votre invité, le professeur Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou, dont il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire, auteur de Le Chirurgien et le Marabout aux éditions Plon. Le Chirurgien et le Marabout, c'est le Marabout bout de ficelle, c'est le titre de cet ouvrage qui sont en quelque sorte des mémoires de brousse, Jean-Noël Fabiani. Bonjour, merci d'être des nôtres. Bonjour Franck Ferrand. On vous retrouve tous les dimanches de 13h à 14h chez l'ami Jean-François Lemoine dans Pourquoi Docteur. Là, vous allez nous raconter votre expérience personnelle aujourd'hui. Alors, vous êtes entré, vous, dans cette association Médecins Sans Frontières en 1973. Et elle avait été fondée en 71 dans la foulée même de cette guerre du Biafra. Absolument. Elle est due, en fait, cette fondation, à un journal médical qui s'appelait Tonus. Voilà, faut le dire, ça. Tonus, c'était un journal qui était très prisé des internes en médecine et des étudiants médecins en général, parce que il avait équipé les salles de garde d'appareils de télévision où il passait, entre autres, de la publicité bien sûr, mais aussi des vidéos un peu lestes, ce qui plaisait beaucoup. Et Tonus et l'équipe de Tonus avait créé un groupe de médecins, c'était Raymond Borel qui l'avait fait, qui s'appelait le Secours Médical Français, pour essayer d'aider des populations qui posaient problème. D'autres, comme les anciens du Biafra, avaient aussi créé un certain nombre de choses, en particulier un groupe médical et chirurgical de secours et d'intervention. Et l'idée est venue quand même d'essayer de regrouper toutes ces énergies. Alors, pourquoi ne pas avoir simplement développé ce qui existait avec la Croix-Rouge? Pourquoi avoir voulu créer ces antennes indépendantes en quelque sorte, et pour certaines carrément opposées à la Croix-Rouge? Eh bien parce que l'expérience du Biafra avait montré que la Croix-Rouge avait des limites, puisque ses grands mots étaient la neutralité d'une part, voilà, et surtout pas d'ingérence dans les conflits internes aux États. Donc le Biafra en était un exemple typique. En cas de guerre civile, il n'y a pas de Croix-Rouge en gros. Il n'y a pas de Croix-Rouge. Ah oui, c'est ça. Et c'était de Gaulle, en effet, qui avait insisté pour que la Croix-Rouge intervienne au Biafra. Donc ceux qui sont revenus du Biafra, Kouchner en tête, avaient dit il faut porter témoignage et il faut donc créer une ONG nouvelle. Voici ce que racontait justement Bernard Kouchner. C'était au micro d'Olivier Drinksin en 1984. Il parlait de cette période héroïque et fondatrice. C'est pas inventé par Kouchner, c'est inventé par les 40 médecins qui ont été au Biafra et qui se sont aperçus qu'on ne pouvait pas rester indifférent puisque personne n'en parlait de ce macabre, ou très peu, vous savez, à l'époque. Il fallait être la voix de ceux qui n'en avaient pas, et il fallait en effet témoigner contre le massacre des peuples et la torture. On ne pouvait pas rester indifférent, rentrer chez soi et reprendre sa clientèle ou son hôpital, ça c'était de la complicité. Il y avait une dimension assez politique dans tout ça, c'est-à-dire qu'au-delà de l'assistance humanitaire et de la présence vraiment très salutaire sur un terrain dévasté, il y avait aussi la volonté de s'engager contre ce qui était considéré comme des opérations néocoloniales en quelque sorte. Alors tout à fait, c'était bien la discussion initiale le jour de la création de Médecins Sans Frontières qui s'est passée. C'est en décembre 71, dans les locaux du journal Tonus. Alors, il y a eu des discussions. Est-ce qu'on appelait ça Médecins Sans Frontières? Est-ce qu'on appelait ça Secours Médical Français? Ou bien Médecins du Monde? Enfin, c'est quand même Médecins Sans Frontières qui est, grâce à Philippe Bernier, qui s'est imposé. Et il y a eu des discussions entre les 13 fondateurs, les 13 pères fondateurs, entre ceux qui voulaient témoigner et ceux qui étaient beaucoup plus neutres dans la position. Mais l'ONG a été créée à partir de ce moment-là. Alors, j'aimerais qu'on revienne, puisque vous êtes aussi historien de la médecine, Jean-Noël Fabiani, ça c'est passionnant, revenir sur les origines, les toutes premières origines de cette médecine humanitaire. Parce que j'ai cité la Croix-Rouge, Henri Dunant et le champ de bataille de Solferino, mais ça avait même commencé bien plus tôt, puisqu'il y a toujours eu des médecins sur les champs de bataille. On ne peut pas ne pas citer Larrey. Par exemple, le grand baron Larrey, des guerres impériales. Qui était d'accord, lui, d'emblée, pour soigner non seulement les soldats français, mais également les soldats ennemis. Et il avait eu l'idée, après 1815, en association avec un Anglais, de créer une Croix-Rouge, enfin l'équivalent de la Croix-Rouge. Oui, l'ancêtre de la Croix-Rouge. L'ancêtre de la Croix-Rouge. Donc, ça n'a pas marché à cette époque, les esprits n'étaient pas prêts. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, bien entendu, c'est Henri Dunant à Sébastopol, devant ce massacre de Sébastopol, qui a véritablement fait la Croix-Rouge. Alors cette Croix-Rouge, elle va servir de modèle quand même à toutes les interventions humanitaires. C'est-à-dire que Médecins Sans Frontières frontière, dans un premier temps, se construit, on peut dire, sinon contre, en tout cas en marge de la Croix-Rouge, mais avec des principes qui, globalement, sont ceux de la Croix-Rouge. C'est l'intervention sur les théâtres, soit de guerre, soit de catastrophes naturelles, le plus rapidement possible, le plus efficace possible. Mais avec quand même, en filigrane, la grande idée de Bernard Kouchner, qui est « nous porterons témoignage, et voilà, si c'est nécessaire de le faire ». Donc il y a en quelque sorte deux dimensions. Il y a aussi cette dimension de témoignage, et qui dit témoignage dit donc discours, forcément. Discours et droit d'ingérence. Et droit d'ingérence. On sait jusqu'où il portera par la suite cette notion de droit d'ingérence. D'où vient l'expression « French doctors » ? Eh bien, à un certain moment, sur tous les théâtres de guerre ou sur tous les théâtres de catastrophes naturelles, les médecins qui étaient là étaient français. Alors on a pris l'habitude de les appeler les « French doctors ». Oui, voilà. C'est tout simple. Les populations locales, notamment, les appelaient comme absolument, ça. Absolument, les French doctors, voilà. Les French doctors. Même si une partie d'entre eux, de plus en plus grande, n'était plus française. Mais c'était les French doctors quand même, et c'est tout à l'honneur de notre pays. Alors, Médecins sans frontières va recevoir le prix Nobel en 1999. Absolument. Il faudrait pas croire que tout a été un parcours parfaitement sans difficulté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des sécessions. Il y a eu une adversité extérieure, c'est-à-dire que bien des États se sont battus contre Médecins sans frontières, ça paraît fou, mais c'est comme ça, hein, parce qu'ils gênaient évidemment un certain nombre de dictateurs. Et puis d'autre part, bien entendu, enfin pas seulement des dictateurs, d'ailleurs d'une façon générale, on va dire un certain nombre d'États. Oui. Et puis d'autre part, il y a eu des dissensions internes qui ont été jusqu'à la naissance d'un mouvement que Kouchner a créé avec Alain Deloche et qui s'appelle Médecins du Monde, qui existe toujours, bien entendu. Alors, vous, à titre personnel, vous arrivez dans l'organisation, dans Médecins sans frontières, en 1973. Oui, enfin, je suis tout jeune, je suis interne des hôpitaux à l'époque. On avait demandé à un certain nombre de chirurgiens de marquer leur nom sur la liste au cas où on aurait besoin d'eux. Moi, j'étais le dernier, bien entendu. Et une organisation qui s'appelle Frères des Hommes réclame à Médecins sans frontières s'ils n'ont pas un chirurgien pour faire tourner un hôpital en Haute-Volta. Maintenant, c'est le Burkina Faso. À l'époque, c'était encore la Haute-Volta. Et on commence par le premier, le plus ancien. Mais bien entendu, tout le monde était occupé. Et le sort tomba sur le plus jeune, comme souvent dans les naufrages. C'était moi, en l'occurrence, qui ne connaissais l'Afrique que par Tintin au Congo, ce qui est quand même un peu limite. Et je me suis retrouvé... C'est une expérience africaine relativement livresque. Tout à fait. Et je me suis retrouvé dans un hôpital de brousse, qui est à Fadan-Gourma, avec une population et des malades très, très graves. Surtout une pathologie que je n'avais pas apprise à la faculté de médecine, évidemment, et je me suis trouvé dans une situation un peu difficile. On peut dire que l'Afrique vous a quand même fasciné. Avant d'entrer dans votre profession et dans tout ce que vous avez dû faire, c'est magnifique, évidemment, ce travail des French doctors, mais le continent lui-même, sa culture, ses paysages vous ont marqué. Il faut dire que c'est fascinant. Quand on sort de Paris sans avoir été en Afrique noire, se trouver brutalement plongé sur les pistes de latérite de la Haute-Volta, je peux vous assurer que c'était quand même un choc culturel. Je logeais, écrivez-vous, dans votre ouvrage, dans Le chirurgien et le marabout. On va voir pourquoi le marabout, il arrive tout de suite. Je logeais dans un petit bungalow de plein pied situé à quelques centaines de mètres de l'hôpital sur une colline d'où je dominais le pays de Gourmandché. Sahel monotone, fait de terre rouge parsemé de buissons. Les arbres, souvent des baobabs, étaient rares. Au loin se trouvait la réserve d'Arly, où des Occidentaux venaient chasser. Les fauves s'y déplaçaient en toute liberté, et cette seule proximité me transformait déjà en chasseur de lions à la façon de Gregory Peck dans Les Neiges du Kilimandjaro. Sauf qu'ici, en Haute-Volta, c'était le Sahel et la misère, et qu'on était loin de la luxuriance de la Tanzanie, de la verve d'Hemingway et des seins d'Ava Gardner. Des seins d'Ava Gardner peut-être, mais de la verve d'Hemingway, pas si loin que ça, puisque ça vous inspire, l'Afrique. Écoutez, vous êtes très gentil, mais enfin, c'est vrai que je me trouvais dans un monde complètement différent de celui que j'avais connu, à la fois sur le plan, évidemment, culturel, mais également sur le plan médical. Or, j'étais quand même là pour remplir une mission de chirurgien. Alors, vous allez rester un an, oui. On peut dire, un nombre d'expériences, on va y venir dans un instant, mais un nombre d'expériences très variées, bien entendu. Vous travaillez dans un hôpital, il faut expliquer ce qu'est cet hôpital. C'est un hôpital qui a été offert par ce qui était à l'époque la communauté européenne, un hôpital assez bien équipé. On avait presque tout prévu, même l'installation radiologique, même les blocs opératoires, c'était assez confortable. Malheureusement, les médecins n'avaient pas été prévus au départ, et il a fallu trouver des bénévoles aussi bien médicaux que vaccinateurs, que pharmaciens. Il a fallu trouver des bénévoles pour faire tourner cet hôpital. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois savoir que la médecine exotique, ça existe, qu'il y a un certain nombre de pathologies très spécifiques à ces pays. Et vous, ces pathologies-là, vous ne les connaissiez pas, il faut le dire. Enfin, vous n'y étiez pas formé spécifiquement, en tout cas. Pas spécifiquement. J'avais appris à la faculté de médecine la parasitologie. Et je suis parti surtout en Afrique avec des malles pleines de l'encyclopédie médico-chirurgicale pour être sûr de faire face à toutes les difficultés possibles. Alors vous arrivez, vous avez 25 ans, vous avez encore ce savoir tout frais à l'esprit, et vous vous retrouvez face à des gens qui, eux, ont un savoir empirique, qui ont de l'expérience, et quand je dis face à des gens, notamment face à une personne qui va vous marquer, le fameux marabout. Et le marabout est un incontournable, puisque je m'aperçois très rapidement que tous les malades qui viennent me voir à l'hôpital sont d'abord passés voir le marabout. Donc, normal, comme à tout correspondant, je vais me présenter au marabout qui me dit en arrivant « Moi, je suis centenaire, et toi ?» Bon, c'est vrai que... moi, un quart de centenaire. Il n'était pas centenaire, soyons clairs. Oui. Mais il le disait, en tout cas. Il le disait, en tout cas, pour montrer combien il savait de choses et combien il avait appris de choses. D'ailleurs, ce qui l'intéressait, c'est de savoir comment moi, j'avais pu apprendre la médecine dans des livres. Parce que ça lui paraissait impensable. Absolument. En fait. Et il me disait « Mais où est l'art dans tout ça? Est-ce que tu es encore un artiste ?» Eh oui. C'est que pour un marabout, l'exercice de la médecine s'apparente d'abord à un art. Évidemment. Eh oui, et c'est un art au sens le plus noble et le plus vaste du terme. Nous allons voir jusqu'où, dans un instant, avec vous Jean-Noël Fabiani. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Le chirurgien et le marabout ». C'est édité chez Plon. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. On écoutait Vladimir Kosma, un extrait de la bande originale de Médecin de nuit, une série de 1978 créée par Bernard Gréden, alias Bernard Kouchner. J'imagine, Jean-Noël Fabiani, à l'hôpital Georges Pompidou, où vous dirigez le service de chirurgie cardiovasculaire, on n'arrive pas tous les jours avec un javelot planté dans le cœur. Non, c'est vrai que c'est une expérience qui était un peu particulière. Mais assez curieusement, ayant été interne dans un service de chirurgie cardiaque avant de partir en Afrique, j'étais relativement à l'aise sur cette pathologie cardiaque, plus que dans bien d'autres cas qui étaient des choses plus simples, comme les éléphantiasis du scrotum ou bien des fractures un peu complexes que j'ai eu à traiter là-bas. Parlez-nous de cet éléphantiasis scrotal, ça a l'air spectaculaire. Ah, c'est très spectaculaire, c'est très connu dans tous ces pays, et c'est dû à un parasite qui s'appelle la filaire et qui entraîne des problèmes de lymphatique, et si bien que les bourses de ces pauvres hommes, qui sont habituellement des gens qui vivent dans les champs, eh bien deviennent énormes, et ils viennent vous voir quand ils ne peuvent plus marcher. J'allais dire, on est à la radio, mais quand je vois le geste que vous faites, c'est vraiment énorme. Oui, ils ne peuvent plus marcher. Et bien entendu, pour le jeune chirurgien que je suis, qui n'a évidemment jamais vu ça à Paris, eh bien, le problème est de savoir comment je vais m'y prendre pour traiter ça. Et puis comment vous allez vous y prendre avec la culture locale aussi, avec la religion? On vous demande des circoncisions, par exemple. Alors, on me demande de faire des circoncisions. En fait, c'est surtout le travail du marabout. Mais c'était mon anesthésiste qui voulait que je fasse la circoncision de ses deux fils. Vous savez, la circoncision en Afrique se fait à l'âge de 6 ans. Et donc, je fais ces circoncisions alors que je n'étais pas tellement habitué à faire des circoncisions. Et là, c'est la honte de ma vie. Je rougis encore en vous parlant aujourd'hui. Ces deux petits garçons, les jours qui ont suivi, certes, j'avais parfaitement réussi à faire la circoncision, mais ils se promenaient dans les rues du village avec un zizi qui ressemblait à une aubergine tropicale, alors que mieux valu que le marabout s'occupe d'eux. Mais oui, parce que le marabout avait une pommade extraordinaire qui permettait de cicatriser remarquablement ce qu'il faisait, et il m'a jamais dit exactement ce que c'était que cette pommade. Il m'a dit c'est de l'esprit de terre. J'étais bien avancé après qu'il m'ait dit ça, mais ses petits secrets, parce qu'il en avait, il me les a jamais dit vraiment clairement. Il les gardait pour lui, d'une certaine façon. Alors, ce que vous découvrez, ça c'est évidemment très passionnant, ce que vous découvrez, c'est que la médecine, évidemment, doit tenir compte de l'état d'esprit des patients, de leur mental, jusque dans ce que ça peut avoir de plus subtil et complexe, et qu'en l'occurrence, il faut tenir compte largement en Afrique de ce que nous appelons, nous ici, l'effet placebo. C'est vrai en Occident aussi, mais c'est beaucoup plus vrai là-bas, semble-t-il. Alors, je peux vous raconter une courte histoire qui est survenue avec un de mes infirmiers qui vient me voir un jour me disant qu'il avait très mal à la tête et qu'il ne pouvait plus travailler. Je lui donne un comprimé d'aspirine en disant « Prends ça, tu vas voir, ça va tout s'arranger. » Et je le vois le soir se promenant dans l'hôpital avec un bandeau sur le front. Et je m'approche de lui, je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce bandeau ?» Il me dit « J'ai mis le comprimé d'aspirine sous le bandeau et je vais beaucoup mieux, je le remettrai demain. » Il y a deux messages. Et t'es convaincu que ça marchait ? Mais bien entendu, il y a l'effet placebo, mais il y a un autre point typique de l'Afrique, c'est que le médicament doit aller là où est le mal. Je vous laisse supposer ce qui est advenu de tous les comprimés que j'ai donnés par la bouche pour des problèmes gynécologiques. On peut imaginer. Ça devait quand même être relativement folklorique, votre stage en Haute-Volta. Écoutez Ennio Morricone sur Europe 1, un extrait de La Cité de la Joie, bande originale du film, sorti en 1992 avec Patrick Swayze qui jouait le rôle d'un chirurgien américain engagé dans l'action humanitaire. Est-ce que vous savez combien de French doctors il y a eu depuis la création de ce médecin sans frontières, Jean-Noël Fabiani? Ça fait des centaines, j'imagine. Des centaines, j'ai des milliers. Des milliers même. Oui, absolument. Donc on pourrait presque parler d'une formation annexe ou supplémentaire, en quelque sorte, pour tous. Je pense que, en effet, pour un jeune médecin, c'est une chance de pouvoir partir pour un certain temps dans un pays étranger pour une action humanitaire. Un des premiers slogans de Médecins Sans Frontières était « Votre salle d'attente contient des milliards d'hommes ». Eh bien, quelque part, c'est vrai. Et on ne peut plus être médecin, je pense, aujourd'hui, sans savoir qu'il y a des milliards de gens qui n'ont pas accès à la médecine que nous avons dans nos pays et dont nous sommes, sans nous en rendre compte, très heureux d'avoir. Alors, la chirurgie occidentale a atteint des sommets tout à fait extraordinaires. La médecine aussi, d'une manière peut-être un peu plus balbutiante parfois. Mais on nous reproche toujours un côté extrêmement mécaniste, extrêmement matérialiste en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que ces séjours, ces missions qu'ont effectuées les French doctors un peu partout, notamment en Afrique, les a rendus un peu plus ouverts aux médecines traditionnelles et à d'autres façons de soigner? Je pense que c'est un des grands messages que l'on reçoit, c'est de respecter d'abord cette médecine traditionnelle qui rend de grands services, son efficacité, notamment dans tout ce qui est problème psychiatrique, ce sont les marabouts qui prennent ça en charge et qui finalement le prennent assez bien. Et puis alors, il y a quelque part, il y a ce que nous avons fait quand nous sommes revenus. Après, j'ai fait mon métier de chirurgien cardiaque, mais avec Alain Deloche, qui m'a succédé à l'hôpital de Fadane Gourma, eh bien, nous avons créé par la chaîne de l'espoir la possibilité à des enfants de venir se faire opérer à Paris. Dans C'était mon quel service. Moment, ça, la chaîne de l'espoir? Mais, écoutez, on a commencé il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Et j'ai opéré, il y a quelques mois, le 3000e enfant de la chaîne de l'espoir, grâce, finalement, à ce que nous avons appris là-bas. Alors là, c'est différent, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui viennent dans les pays occidentaux, nous en France, sélectionnons, en l'occurrence à Paris. Nous sélectionnons des enfants sur place et certains, nous pouvons les prendre en charge à Paris en l'occurrence, et je peux les opérer du cœur, puisque maintenant je ne fais plus que mon métier, je m'occupe plus des éléphants thiasis sous scroto, ce n'est plus mon problème, mais bien que ça reste un grand problème de l'Afrique, mais en tout cas on a pu, et on est quand même assez fiers d'avoir pu opérer en 20 ans 3000 enfants qui viennent d'Afrique ou d'Asie. Ce que je retiens de votre ouvrage, Jean-Noël Fabiani, c'est le dialogue que vous avez eu avec ce marabout. On a un peu l'impression du dialogue de deux cultures. Ça fait penser, dans un autre registre, à la tentation de l'Occident de Malraux. On a l'impression comme ça d'un dialogue entre Orient et Occident, ou alors là, en l'occurrence plutôt, entre un monde dit développé et un monde dit en voie de développement. Oui, mais toute la question, finalement, aurait pu être que, venant d'un pays soi-disant très développé, j'arrive un peu avec une position de colonisateur. Par chance, quelque part, il était centenaire et moi, j'étais un gringalet. Autrement dit, j'ai écouté ce qu'il m'a dit et j'ai pris le temps de l'écouter et il a pris le temps de m'instruire en quelque sorte à sa façon. Et finalement, quand je regarde les choses avec le recul maintenant de la vie, eh bien, je m'aperçois qu'il m'a appris beaucoup de choses sur la façon de voir la maladie, sur la façon de concevoir les malades et sur la façon de me comporter vis-à-vis des gens. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'autres conflits depuis cette terrible guerre du Biafra. Le continent africain est abonné à ces affreuses guerres civiles, dont certaines d'ailleurs se font dans une forme d'indifférence générale, parce que ça a été la grande particularité de cette guerre du Biafra que d'être ultra médiatisée, parce que tout s'y prêtait, il faut le dire. Le pays était riche, il était important stratégiquement. C'était la première de ces grandes guerres civiles. On est dans un ancien pays anglophone, avec des structures de journalisme qui étaient là déjà sur place. On est tout près des grands pays de l'Afrique francophone qui permettaient de servir de base arrière à d'autres journalistes. Les photographes avaient pris ce pays pour une véritable destination et ça a été surmédiatisé. Mais depuis, il y a eu bien d'autres guerres civiles dont certaines, malheureusement, n'ont pas bénéficié du même intérêt de la part des grands médias occidentaux. Alors, c'est vrai, bien entendu. Mais c'est aussi l'intérêt du mouvement créé par Bernard Kouchner au départ, c'est que les French Doctors interviennent sur ces lieux de guerre ou sur ces grandes catastrophes naturelles et ils prennent la parole. Et c'est eux qui relaient finalement le message et ce devoir d'ingérence, finalement c'est ce que voulaient les fondateurs, a pu quand même faire connaître au monde entier ce qui s'est passé. Je parle à l'Érythrée, je parle chez les Karen, enfin pour bien des choses. Il y a eu quand même un relais qui est quand même lié à l'intervention des médecins humanitaires. Alors est-ce que ces French Doctors vont pouvoir continuer dans l'avenir à s'appeler encore French Doctors? Est-ce que les Français sont toujours très présents dans ces mouvements humanitaires? Je pense que les Français restent très présents, mais que, fort heureusement, le relais a été pris par la plupart des grands pays européens et aux États-Unis également. Plus en plus asiatiques, semble-t-il. Et asiatiques également, hein. Absolument. Oui. Donc, il y a beaucoup maintenant d'organisations, et c'est tant mieux, parce que, évidemment, tout le monde ne peut pas tout faire. Il y a tellement de choses, comme vous le soulignez, à faire, que, véritablement, il faut agir partout et le mieux possible. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que le public, les auditeurs qui nous écoutent peuvent participer d'une manière ou d'une autre à ce grand mouvement humanitaire? On peut faire des dons, hein, Médecins Sans Frontières, par exemple. Médecins Sans Frontières, à la chaîne de l'espoir, à bien d'autres mouvements dont le but est d'aider ces populations. Et puis on ne peut que conseiller évidemment aux jeunes médecins, eux aussi, d'aller donner un peu de leur temps et de leur tout nouveau savoir pour en acquérir un autre, hein, c'est ce que vous nous expliquez. Absolument. Parce que vous êtes rentré, vous, de cette expérience, on a l'impression que vous en êtes rentré plus riche de savoir et avec une forme d'expérience, de maturité incomparable avec ce que vous pouviez être au moment du départ, hein. Un an qui a été plus que nourrissant et formateur. Absolument, d'ailleurs il m'a fallu quand même, l'air de rien, que je mature les choses, puisqu'il m'a fallu 30 ans pour écrire le livre. Et voilà, mais c'est vrai ça. Pourquoi avoir attendu ces 30 années? Parce que je ne trouvais pas... Le temps, peut-être, notes. D'abord. J'avais pas eu le temps. Et puis, quelque part, j'ai réfléchi aux choses, et c'est en me disant, mais finalement, ça a été quelque chose d'important dans ma vie et dans ma carrière, et il faut quand même que j'en donne le témoignage. Eh oui, pour donner peut-être aussi envie à d'autres de suivre c'est le mon même but. Chemin. Voilà. Merci infiniment, Jean-Noël Fabiani, le chirurgien et le marabout, mes débuts de jeune chirurgien en Afrique, c'est édité chez Plon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck, à la question de Virginie via la page Facebook de l'émission. Depuis quand fête-t-on la nouvelle année le 1er janvier? Eh oui, vous savez, ça paraît comme ça. J'aime bien, moi, ces questions qui ont l'air de revenir sur des évidences. Ça n'est pas si évident que ça. Pour nous, bien sûr, l'année commence le 1er janvier. Ben oui, alors, mais dites-vous que en fonction des périodes et des régions, l'année a commencé en mars, en septembre, en décembre, en janvier, à tous les moments possibles. On peut dire, par exemple, la religion tradition chrétienne fixe symboliquement le nouvel an au 25 décembre, et ce très tôt, jour de la naissance du Christ. À Byzance, on avait adopté le 1er septembre, parce que c'était l'anniversaire de la date de fondation de l'Empire byzantin. Et on a envie de dire, et pourquoi pas ? Pendant très longtemps, l'année a commencé le 1er mars. Vous savez qu'à Rome, notamment, Mars, dieu de la guerre, était le père symbolique, le père divin de Romulus. C'était lui qui lançait l'année avec le renouveau du printemps. Et donc, Mars, c'était l'époque non seulement de la reprise des activités agricoles, mais c'était aussi l'époque de la reprise des activités guerrières, puisqu'on ne se battait pas l'hiver à l'époque, on ne se battait qu'à la belle saison. Donc, c'est d'ailleurs ce qui explique, entre parenthèses, pourquoi le mois d'octobre s'appelle comme ça, parce qu'à l'époque, c'était le 8e mois, novembre, c'était le 9e, décembre, c'était le 10e. Vous voyez, on a évidemment, tout ça a changé, c'est bousculé avec le temps. En 46 avant notre ère, c'est Jules César qui, évidemment, refond le calendrier romain, qu'on va appeler le calendrier julien à partir de César. Il instaure ce nouveau calendrier d'après le cours du soleil, qui va compter donc 12 mois et qui commence en janvier comme le nôtre. Mais attention, c'est pas pour autant qu'on va d'emblée adopter partout le 1er janvier comme premier jour de l'année. C'est en 532 que l'Église décide de compter les années à partir du 1er janvier, mais on continue à compter selon les régions à partir de différentes dates. Par exemple, les Mérovingiens commencent à compter l'année à partir du 1er mars, Charlemagne à partir du 25 décembre, etc. Et puis, les chrétiens ayant leur principale fête à Pâques, parce que Pâques reste pendant très longtemps la première fête de la chrétienté, eh bien c'est en avril qu'on va faire débuter l'année. Et il y a des régions entières où l'année va commencer le 1er avril. Et d'ailleurs, vous savez que notre poisson d'avril actuel, ça vient de là, c'est le souvenir des étrennes. On s'offre un poisson, c'est une dérision pour rappeler qu'à une époque, on s'offrait des cadeaux aux étrennes au 1er avril. Il faut attendre le règne de Charles IX pour que la nouvelle année commence le 1er janvier. Alors les historiens connaissent ça par cœur, c'est l'édit de Roussillon, hein, l'édit du 9 août 1564. Très important, alors en vérité, cet édit ne prend effet que le 1er janvier 1567, mais ça veut dire que lorsque vous étudiez l'histoire du XVIe siècle, selon que vous êtes avant ou après l'édit de Roussillon, l'année ne commence pas le même jour, c'est-à-dire que le mois de février n'est pas la même année, par exemple. Alors on a simplifié tout ça, puisque au XIXe siècle, on a décidé de rétroactivement tout redater, et aujourd'hui on ne tient même plus compte de cette ce qu'on appelait ancien mode, nouveau mode. Sous la Révolution, les révolutionnaires choisissent l'équinoxe d'automne en septembre pour marquer le début de l'année. Il ne faut pas oublier que le calendrier révolutionnaire commence à l'automne, et puis donc vous savez que le 1er janvier est rétabli par Napoléon, le 1er janvier 1806 justement, et depuis eh bien les années j'allais dire son normal. Bonjour Elena Mordant. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui avec les experts européens, nous allons parler, nous interroger sur la place des écrans dans la vie des tout petits et même des plus grands, des ados. Consoles de jeux, télévision, tablettes, comment en faire un bon usage? Il paraît que ça n'est pas si toxique que ça. Eh bien on apprend à en faire un bon usage avec Serge Tisseron, notre expert du jour. Et j'attends vos questions 3921 ou europe1.fr. Vous avez de grands experts, nos invités sont magnifiques aujourd'hui. Toujours, merci Franck. Beaucoup Elena. Nous nous retrouvons demain Céline. Et je voudrais remercier Nicolas Six qui non seulement est le réalisateur de cette émission mais qui l'illustre également, et nos deux piliers, disons-le, Lorena et Marion, qui en ce moment se couchent très tard pour préparer votre émission préférée. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.